la vie, bien prouvée toute vérité. Tout ça on a voulu faire, c'est pas ça qui rive. Si mando, c'est pas ça t'es voulu rive ou qui t'es payé ou à mourir ou yo. Au début je dis, ça qui bon pour ton haïtien, c'est dans tout le pays qui a dit gloire à ti mando. Résigné, non tout bien pour nous passer. Mon amour au bas, paix à ton amour. Yeah, yeah.